Le phare trembla de la base au sommet. J'entendis le vieux qui gueulait mon nom là-haut. La cage qui se brise, que je m'écriai. Nous sommes foutus. Un tour du monde des phares. Deuxième épisode, les phares des empires. En avril 1948, le gouvernement britannique convoquait à Londres une conférence internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il s'agissait, dans un esprit d'entente entre les nations, d'établir d'un commun accord des principes et des règles uniformes ayant pour but de sauvegarder la vie humaine en mer. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec comme hier, comme guide, Vincent Guignot, bonjour. Bonjour. Auteur, entre autres, je cite votre dernier ouvrage, c'est un beau et fort livre, d'un tour du monde en 80 phares chez EPO. On vous définit souvent comme pharologue, pharographe. Oui, j'ai un peu œuvré dans les phares depuis une vingtaine d'années, donc c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, ça me colle au corps. Le premier son qu'on entendait faisait allusion à une réunion d'après-guerre. Après la guerre, l'équipement mondial en phare est arrivé à son zénith, d'autant que on a rallumé des phares qui avaient été éteints pendant le conflit, qu'on a reconstruit ceux qui avaient été détruits. Oui, le réseau mondial des phares se constitue pour l'essentiel au XIXe siècle. Alors, il souffre de la guerre. Et puis, surtout, il va voir apparaître des concurrents, comme le radar. Hein, le 6 juin 44, à l'aube, les Alliés ont trouvé les plages de Normandie sans phares, puisqu'ils étaient éteints. Et c'est le moment où on s'intéresse à la mondialisation des phares, à leur gouvernance, et on crée cette organisation mondiale internationale, donc qui est chargée de mettre en œuvre la convention SOLAS, donc Safety of Life at Sea. Ce n'est pas la première convention, la première elle date de 1914 suite au naufrage du Titanic. Donc tous ces pays se réunissent à Londres pour décider de règles pour sauvegarder la vie en mer. Et les phares font partie des moyens à la disposition des navigateurs pour trouver leur route et donc éviter les naufrages. C'est-à-dire qu'on parle en termes internationaux, enfin avant 14, on parlait plutôt en termes impériaux. Vous nous expliquerez pourquoi et comment dans un instant, Vincent Guignot. On sait combien on avait de phares avant 14, un pharologue, un pharographe, un pharocrate, il sait définir le nombre de phares. Bah, ce qu'on connaît bien, c'est le nombre de feux. Si on regarde les livres que les hydrographes tiennent à jour, ils font pas vraiment la distinction entre un grand phare, un feu de port, une bouée lumineuse, tout ça, ce sont des feux. Des feux, il y en a 80 000. Et le mot phare n'est vraiment défini qu'à partir du moment où on s'est posé la question de son devenir patrimonial. Donc c'est finalement assez récent. Et sur la base d'une définition qui n'est pas complètement stabilisé à l'échelle du monde, on peut compter environ 20 000 phares dans le monde. Alors, on parle de patrimoine universel maintenant, on y classe un certain nombre de phares peu à peu, mais vous, dans ce livre, Le Tour du Monde en 80 phares, vous tentez une histoire mondiale, est-ce que c'est pas contradictoire avec la notion d'empire? Les Britanniques, avec leur empire, ont bénéficié d'une certaine antériorité par rapport aux Français? Oui, on aime bien rappeler le rôle de l'ingénieur Fresnel, de nos lentilles qui vont être vendues dans le monde entier. Mais si on essaye de se décentrer un petit peu et de regarder l'histoire vue des îles britanniques, la Trinity House a été créée au début du XVIe siècle. Un certain nombre de commissions en Écosse et en Irlande sont créées à la fin du XVIIIe. Les Anglais inventent une économie des phares fondée sur ces droits de feu, donc les phares sont payants. Donc il y a une dynamique, une gouvernance des phares qui est antérieure dans les îles britanniques. Un amiral français qui s'amuse à compter les phares au début du 19e siècle, qui les phares modernes comme il les appelle, il en compte en gros une centaine et il dit la moitié sont dans les îles britanniques. Donc il y a une antériorité également dans la construction, on va reparler de phares en mer, phares des Distone, l'un des premiers, et puis les Écossais vont aussi construire des phares en mer. Dont le phare de Bell Rock, de Robert Stevenson, le grand-père de l'écrivain. Voilà un dialogue entre le commanditaire, donc la commission écossaise des phares, dont vous nous parliez à l'instant, et cet architecte qui veut construire en pleine mer, ce qui paraît fou, à l'époque 1811. Sit down, Mr. Stevenson. Asseyez-vous, Monsieur Stevenson. Well, proceed. Alors, allez-y. Au vu de la situation et des circonstances concernant le Bell Rock, nous pensons que ce dangereux récif est la cause directe ou une cause majeure de nombreux naufrages sur la côte est. C'est pourquoi je vous propose de construire un phare en pierre, une construction qui tiendra compte de la nature. Et comment comptez-vous construire votre ville de pierre au milieu de la mer ? Vous comprendrez que le reflux de la mer ne laisse pas beaucoup de temps pour effectuer les opérations de construction à la surface de la roche. Oui, c'est exact. Vous n'y aurez accès que quelques heures par jour, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Et par mauvais temps, aucun accès ? On peut le faire. Personne n'a construit de phare en pleine mer sur un rocher submergé, la majeure partie du temps, en étant exposé à la force des éléments. Today, no farther lies a lost. The lighthouse sends a warning that this is where the Inchcape Reef sets the seas a-storming. Sailors praise the blessed beam that shines out in the night. And give thanks to Robert Stevenson, who built the Bell Rock Light. And give thanks to Robert Stevenson, who built the Bell Rock Light. Eh bien, il l'a construit, son phare en pleine mer, Stevenson. Il a même tenu le journal de la construction, le journal d'une utopie à certains égards. Oui, c'est une histoire vraiment édifiante en tous les sens du terme, cette construction du phare de Bell Rock que Robert Stevenson va raconter. Il va utiliser beaucoup ce chantier pour sa reconnaissance professionnelle dans le milieu des ingénieurs anglais. Alors ce n'est pas le premier de sa famille à œuvrer dans les phares, c'est son beau-père hein, qui va être le premier à proposer à la commission des phares du Nord, des Northern Lighthouse Board, de construire des phares. Et donc Robert Stevenson va continuer cette œuvre, et après lui, ses fils, petits-fils, arrière-petits-fils, donc c'est toute une génération. Il y a un adage écossais qui dit qu'en Écosse, et il y a 200 phares en Écosse, tous les phares sont battus par les flots et construits par les Stevenson, que ce soit le grand-père ou ses fils, ses petits-fils. Et alors jusqu'où va la dissémination des phares Stevenson dans l'Empire britannique ou hors de l'Empire britannique ? Oui, alors comme on est dans le contexte anglo-saxon, c'est l'entreprise Stevenson a une sorte de marché pour la construction des phares. Ce ne sont pas, à la différence de nos ingénieurs des ponts, des fonctionnaires d'État. Donc c'est une entreprise, et cette entreprise, elle peut prendre d'autres marchés. Et en particulier, ce sont les Stevenson qui vont envoyer un certain Brunton au Japon, après l'ouverture de l'ère Meiji, pour être considéré comme le premier grand ingénieur de phares au Japon. Et c'est un employé de l'entreprise Stevenson. On retrouve également des descendants du chantier de Bell Rock, le petit-fils d'un des compagnons de Robert Stevenson, donc qui va faire ce chantier de Bell Rock, va être à la fin du 19e siècle l'ingénieur des phares du Chili. Donc les Stevenson, l'ingénierie écossaise, va se disséminer dans le monde au fur et à mesure de la construction des phares. Avec une pression exercée par le Royaume-Uni sur le Japon, par exemple, parce que ça fait partie du dispositif des traités inégaux que d'obliger les pays soumis à équiper leurs côtes de phares. Si on revenait maintenant aux ingénieurs français, ils sont nombreux dans un petit groupe qui est à la fois une secte religieuse, une école économique, un lieu d'invention sociale, c'est le Saint-Simonisme. Là, on est à Paris, on est dans les années de la fin de la Restauration et du début de la Monarchie de Juillet. Oui, à l'époque, être saint-simonien est très courant parmi les élèves des écoles d'ingénieurs, en particulier de l'école polytechnique, puisque Saint-Simon aller chercher ses disciples à la sortie des écoles, et on va trouver beaucoup d'ingénieurs qui vont construire, pas seulement des phares, des chemins de fer, en fait toutes les infrastructures vont passer à un moment ou à un autre, et avec plus ou moins d'enthousiasme, dans le saint-simonisme. Léonce Reynaud, qui est le grand ingénieur des phares, son frère en fait partie, hein, Jean Reynaud. Il y a une connexion entre cette pensée saint-simonienne et la pensée des infrastructures à l'échelle de la planète au 19e siècle. Il faut unir le monde à travers les infrastructures. Alors on pense aux chemins de fer, on pense aux canaux, mais les phares font aussi partie de ce dispositif technique, de cette religion technique qu'essayent de prêcher les saint-simoniens. Michel Chevalier prêche pour une Méditerranée ouverte sur le monde, et le père Enfantin, le chef du groupe qui va se retrouver emprisonné au début de la monarchie de Juillet, envoie un de ses disciples, Barrault, en avant-poste, parce qu'il rêve de la construction d'un canal à Suez. Moi, avec tous ceux qui le voudront, j'irai en Égypte. À nous tous, nous poserons un pied sur le Nil, l'autre sur Jérusalem. Pars, Barrault, pour Constantinople. Moi, j'irai au Caire d'abord. C'est à nous de faire entre l'Antique Égypte et la Vieille Judée une des deux routes d'Europe vers l'Inde et la Chine. Plus tard, nous percerons aussi l'autre, à Panama. Pour commencer, Suez sera le centre de notre vie de travail, le centre de notre vie d'homme. La première tentative du père Enfantin ne sera pas couronnée de succès, mais la seconde, reprise à son compte par Lesseps, oui, et ce sera l'ouverture du canal de Suez. Nous serons dans les années 1860. Mais avant même que le canal ne soit ouvert, l'équipement en phare des grandes routes maritimes qui vont s'élargir a été prévu. Oui, entre l'annonce de la construction du canal et la constitution de la société de Ferdinand de Lesseps et son inauguration officielle en 1869, le monde maritime a le temps de se préparer à cette ouverture d'un canal qui va devenir la route des empires, que ce soit l'empire britannique vers les Indes, vers l'Australie, l'empire français vers l'Indochine, vers la Nouvelle-Calédonie. Et donc on voit dans les archives, dans les discussions sur le besoin de construire tel ou tel phare, que cette ouverture de Suez devient un motif à agir. Il y a également l'histoire des phares de l'Empire ottoman, qui est très intéressante, puisque c'est une entreprise française, une société des phares de l'Empire ottoman, qui reçoit également un marché. Encore une pression amicale sur le divan. On confie à des intérêts étrangers la signalisation, qui ça va rapporter d'ailleurs beaucoup d'argent à Michel Pacha, qui va avoir cette concession. Et donc on voit que l'ouverture de Suez, le fait que énormément de bateaux vont converger vers la Méditerranée ou ressortir par la mer Rouge, arriver du côté d'Aden, pose la question de qui doit construire, comment on va financer ces routes, et de nombreux phares commencent à être construit en perspective, dans la perspective de cette construction. La décennie 1860 est extrêmement féconde en matière de construction parce que y a une amplification de ce qu'on va appeler après la première mondialisation. Mais alors, si on fixe le local maintenant, ça va faire ressusciter le phare d'Alexandrie, la référence suprême en matière d'histoire des phares? Alors non, on va pas reconstruire le phare d'Alexandrie. En revanche, il va y avoir là aussi un appel pour la construction de phares. Et ce sont évidemment des entrepreneurs français qui vont être retenus. Et on construit en particulier le grand phare de Port Saïd, qu'on veut exemplaire. Alors on utilise du béton cognet. On va construire un phare électrique. Les années 1860, c'est également l'année des premiers phares électriques. Donc on fait de Port Saïd, et puis aussi de toutes les villes qui sont construites autour du canal, des laboratoires, comme a dit Claudine Piaton dans un article, ce sont des laboratoires de l'ingénierie française, et donc les phares font partie de cette vitrine, on s'arrange pour que l'inauguration de Port Saïd ait lieu le jour de l'inauguration du canal. Et cette époque impériale de Suez, dominée par les Occidentaux, va durer jusqu'en 1956. OSS 117 en 1955 ne s'apercevait pas encore du changement qui s'opérait. C'est somptueux. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. C'est là que l'on voit la grandeur de votre civilisation. Construire pareil ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Le canal a été construit il y a seulement 86 ans. Ah bon? En tout cas, quelle fierté pour votre pays. Le canal a un statut international. La compagnie qui le gère est à majorité anglaise. Rien de tout cela n'est égyptien. Par les cadavres des ouvriers qui se sont échinés à le creuser. Que se passe-t-il? Mon père est mort ici. Il a participé à la construction du canal? Non. Il jouait au jokari avec un ami. L'élastique s'est distendu. La balle est partie. Il l'a suivi, emporté par les flots. C'était un saint homme. L'Égypte est décidément bien meurtrie. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Un tour du monde en 80 phares, c'est presque le titre de notre série, Vincent Quiquenot, et c'est le titre de votre dernier livre aux éditions EPO, où vous dites que les empires constructeurs de phares ont évidemment, au bout d'un moment, même en utilisant la pierre et, la brique, ils ont imaginé des programmes, comment dire, sériels, répétitifs, standardisés. Oui, il y a un besoin de phares et de sécurité maritime qui est très fort au moment du passage à la vapeur. Il faut aller plus vite, raser les côtes. Il y a de plus en plus de naufrages. On crée des statistiques de naufrages dans les années 1860 et on se rend compte qu'évidemment, c'est pas parce qu'on a plus de phares qu'on fait moins de naufrages, c'est parce qu'il y a une augmentation très importante du trafic. Donc il faut construire très vite des phares. Alors on a déjà industrialisé la production des optiques. Hein, les artisans qui travaillaient sur les prototypes de Fresnel sont devenus de véritables entrepreneurs. Ils ont des usines à Paris, du côté de Javel. Donc on a une industrie du phare et cette industrie elle a besoin de support pour porter cette lumière. Et plutôt que de réinventer à chaque fois un phare plus ou moins original, eh bien on diffuse à travers des traités d'architecture des plans types, en disant bon, qu'est-ce que c'est qu'un phare? C'est une tour qui porte une lumière, il faut y loger des gardiens, il faut pouvoir stocker du combustible, il faut aussi construire de nouvelles installations, parce qu'on commence à, comme je disais, à avoir des phares électriques. Donc qui dit phare électrique dit à l'époque machine à vapeur, dit machine magnéto-électrique, donc là aussi des bâtiments. Donc, Léon Sreno, qui est un grand homme de cette histoire. C'est le patron de la commission des phares. C'est le patron c'est le directeur du service, le secrétaire de la commission. Il est professeur d'architecture aussi à l'école polytechnique. Donc, il ne laisse pas le soin à ses élèves de faire preuve de beaucoup d'imagination. Et donc, les élèves s'inspirent beaucoup des modèles du maître pour construire des phares. On peut trouver prendre un exemple, le Cap Caxine, qui est près d'Alger, a un air de famille plus que sérieux avec le phare des baleines de l'île de Ré, parce qu'on est parti de ce plan. Mais dites-moi, si on pouvait construire en fer, le 19e, c'est le siècle du fer et de la fonte, mais le fer, c'est sujet à la corrosion marine. Oui, mais ça ne va pas arrêter les constructeurs. Les premiers, ce sont les Anglais, un certain Gordon, qui va construire un phare en Jamaïque, à Morham Point. C'est un des premiers phares métalliques, qui va d'ailleurs proposer de généraliser la construction de phares en fonte dans toutes les colonies anglaises. En effet, on se doute que la corrosion, l'air marin n'est pas bon, mais il faut savoir que la plupart des phares ne sont pas en mer, donc ils sont construits sur des promontoires, dans des îles. Donc on peut absolument choisir d'aller dans le sens de la modernité de cette époque, c'est-à-dire la construction métallique, la préfabrication, qui fait gagner un temps considérable dans la construction du phare, qui réduit les coûts et qui permet quasiment d'acheter son phare en kit dans les expositions universelles. Alors un phare en fer qui a été livré dans des caissons en kit est situé sur un Nilo, au large de la Nouvelle-Calédonie. Et voici le phare Amédée. Il a son histoire. Napoléon III le fit construire en France et transporter, pièce par pièce, sur un récif de la Grande Terre, où il signale la passe qui donne accès à la rade de Nouméa, l'une des plus belles du monde. De longues plages de sable fin, d'un blanc immaculé, parées de corail, véritable chef-d'œuvre de la nature, et que l'on cueille tout près du rivage. Vous pouvez l'apercevoir dans ses eaux transparentes. C'est là que vient mourir le Pacifique. Alors, un grand livre sous votre signature et celle de Valérie Vatier, consacré au phare Amédée. Oui. Amédée, pourquoi Amédée ? Ah, Amédée, c'est l'hydrographe qui relevait les cailloux dans le lagon. Qui avait un Amédée dans sa famille. Qui avait un frère qui s'appelait Amédée. Et on voit d'ailleurs sur la carte qu'il corrige, le phare s'appelait Ahmed, Amer, ça venait probablement d'une langue kanak. Et il le baptise du nom de son frère. Alors c'est une expérience industrielle pour Léonce Reynaud. Oui, là on est tout à fait dans cette industrialisation des phares. Léonce Reynaud est très attentif à construire local. Quand on construit le Cap Spartel au Maroc, il donne beaucoup de conseils au conducteur des travaux publics qu'il envoie pour lui dire utiliser les matériaux. Les Romains ont su construire là-bas, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Par contre, la Nouvelle-Calédonie, il connaît pas bien Léonce Reynaud, donc il ne sait pas quelles sont les ressources locales. Et finalement, le choix du fer, c'est une manière de s'affranchir des ressources locales et de pouvoir construire son phare dans des ateliers en France et l'expédier, comme on l'a entendu, en pièces détachées, vers tous les bouts du monde. L'Iphigénie, par exemple, qui est un bateau qui a transporté des forçats, peut aussi bien transporter des caissons qui contiennent les éléments en kit du phare Amédée. Oui, le phare, donc la décision est prise en 1862. Alors on confie ça à un certain Rigolet, qui est un entrepreneur de construction métallique. D'ailleurs, le phare est complètement, intégralement monté dans la cour de son atelier. On a des photos, une très belle photo du phare en construction dans les ateliers Rigolet. Et après, ça a été quasiment la partie la plus compliquée, c'était trouver un bateau où il y a de la place pour mettre les caisses emmenant le phare, accompagné de son ingénieur Stanislas Bertin, un Cervanais, qui part construire le phare quasiment seul, en se disant on utilisera... Les bateaux grands, ce sont les bateaux qui amènent les bagnards, parce qu'il y a un lien entre la construction du phare et la création du bagne. Oui, la Nouvelle-Calédonie a été colonisée peu avant, et on décide d'y construire un bagne. Donc il faut sécuriser les accès. Or, si vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie, il y a une barrière de corail, il y a quelques passes. Donc c'est un endroit relativement compliqué quand on vient du large. Donc les gouverneurs de Nouvelle-Calédonie réclament la construction d'un phare sur cet îlot Amédée, qui n'est pas sur la Grande Terre, mais sur la barrière, sur un petit îlot, sur la barrière de corail. Et donc on expédie ce phare en caisse, cet ingénieur qui, avec l'aide de quelques soldats de l'infanterie de marine, quelques forçats et quelques canaques, construit très très rapidement ce phare qui devient le symbole de la présence de la France dans le Pacifique. Enfin, si on ne voulait pas ébrécher les légendes romantiques sur les phares, on ferait d'un rapprochement, ça serait possible, hein, entre bagne, pénitencier et phare, poule au condor en Indochine, Alcatraz en Californie, etc. etc. 1864, le phare des Mamelles à Dakar, c'est exactement la même date que le phare de la Nouvelle-Calédonie. Oui, à un an près, c'est la même dynamique. Là, il s'agit pour les messageries impériales, qui deviendront les messageries maritimes, d'ouvrir une route vers l'Amérique du Sud. Il faut faire escale pour les bateaux de la compagnie. Et la compagnie demande aux ingénieurs du génie de ne plus seulement occuper Gorée, mais de venir s'installer sur la terre ferme et demande la construction d'un phare pour éclairer, sécuriser l'accès à la ville de Dakar qui va prendre son essor à partir de cette période. Et donc ce phare des Mamelles est un phare lié à ces nouvelles lignes alors impériales, en tout cas les messageries le sont, qui se développent dans cette période du 19e siècle. Ce qui fait que dans l'administration française des phares, il va y avoir des subdivisions liées à l'empire colonial, notamment en Afrique occidentale française. Vous avez interrogé, c'était pour le compte d'une émission de Valérie Nivelon sur RFI, le JAG, Jean-Alain Coinvec, qui a été nommé dans cette administration des phares de Dakar. J'écris au directeur des phares et balises et je lui ai dit que je voulais faire carrière aux phares et balises et que je cherchais un poste aussi bien en France ou outre-mer, ça m'était égal. Il m'a répondu qu'il y avait une possibilité à Dakar. Quand je suis arrivé, la subdivision des phares et balises de Dakar était faite sur le modèle des subdivisions des phares et balises de France. Il y avait un grand baliseur qui était identique à celui de Marseille et celui du Havre et qui avait un équipage sénégalais mais des officiers français. Au-dessus de la subdivision des phares et balises qui occupait le rez-de-chaussée, il y avait une villa qui se trouvait au-dessus. Enfin, le deuxième étage était un très bel appartement. Il y avait un jardin derrière avec de jolis arbres, notamment un très beau flamboyant. Et donc j'ai passé d'excellentes années là-bas. Mon adjoint était un électromécanicien de phare, il a fait l'école de Brest. Et le chef de parc était également un électromécanicien de phare. Quand je suis reparti, le capitaine venait d'être remplacé par un Sénégalais, mais le chef mécanicien était toujours français. Ensuite, peu de temps après, également, il a été remplacé par un Sénégalais. Dans l'histoire coloniale des phares, les commandes sont tenues longtemps par les maîtres français des phares. Oui, là on est dans le cas sénégalais où Jean-Alain Coinvec arrive dans les années 70. Il va rester jusqu'au début des années 80. C'est seulement à cette période que la subdivision de Dakar va être complètement contrôlée par les phares et balises du Sénégal. Quand on fait le tour du monde des phares, on voit cette présence impériale, coloniale, qui explique beaucoup dans la construction de ces phares. Il y a des phares portugais au Mozambique, des phares espagnols aux Philippines, des phares japonais à Taïwan. Donc on comprend pas la dynamique de construction des phares quand on sort de France si on ne les insère pas de manière assez naturelle. Finalement, dans cette histoire des empires, les phares sont parmi les instruments des empires, des instruments technologiques qui permettent d'assurer la mise en place des circulations entre les métropoles et les colonies. Alors la question que vous posez sans cesse dans ce livre, Le Tour du Monde des Phares, chez OPO, l'histoire coloniale, ça fait une histoire mondiale, forcée et contrainte. Est-ce que ça peut faire un patrimoine universel ? Alors ça l'est déjà à l'unité, puisqu'il y a déjà un certain nombre de phares qui sont classés. Hein, le phare de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, par exemple, fait partie du patrimoine mondial au titre de la ville de Grand Bassam, première capitale coloniale française en Côte d'Ivoire. On voit que, pris dans un ensemble de fortifications ou de villes coloniales, le phare entre peut rentrer dans le patrimoine mondial. Mais si on commence à les prendre dans leur idée de réseau, quel réseau de phares va-t-on constituer? On imagine mal une candidature des phares français et des ex-colonies françaises ou britanniques. Le phare en tant que tel, est-ce qu'il est vraiment universel à partir du moment où beaucoup de pays, on peut parler du Japon, parler du Maroc, la première construction, les premiers phares construits ne l'ont pas été du tout à l'initiative de pays qui ont eu des phares par des moyens de contrainte, que ce soit la contrainte coloniale ou la contrainte de traité. En tout cas, les gardiens de phares issus des colonies ont souvent tenu plus longtemps allumé leur feu que les gardiens des pays occidentaux. Ce sera notre thème demain, gardien de tous les pays. Merci à vous, Vincent Guignot. Cette émission a été préparée par Adèle Kaito, réalisée par Étienne Bertin, avec Juliette Delperrou à la technique.